Aujourd'hui, à Assemblage requis, on reçoit Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi? Et Simon Fitbé nous censure avec sa chronique sur les mythes du rock, Paul is dead. Il faut aussi avoir plein de bonne musique et peut-être de la chicane. Hein? Bon, Mathieu qui chante aujourd'hui. Hein? Je l'ai-tu à faire, hein? Wow! Hein? Wow! Oh, je crois rêver. Hey, salut les requins, bienvenue à Assemblage requis. Non, c'est pas décidé encore, Mathieu. Salut les requins! Je l'ai dit, c'est décidé, non? Non? Moi, j'ai appelé hier les auditeurs, les Francis Martin. Ouais. Je peux continuer à le faire, si tu veux. Ben oui, continue à faire. Bonjour à tous les Francis Martin à l'écoute. Et où les requins? Et où, c'est selon, là? Ou votre suggestion, si vous voulez nous aider à trouver un nom aux auditeurs. Ou toutes ces réponses. Tous les choix sont bons. A, B, C, D, E. Ou si vous voulez juste nous exprimer votre sentiment de rien à foutre à propos de votre nom. Tout le monde s'en sac, c'est ça l'affaire qui est cute là-dedans. Voilà. Bon, donc, bonjour les requins, bienvenue à l'Assemblage requis. En ce mercredi, Mathieu Plante et Kiwan, nom de famille inconnue. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, on va recevoir Maxime Lemieux-Laramé qu'on reçoit normalement le lundi, mais comme il n'y avait pas d'émission lundi, hein, dû à notre beau... notre congé pascal. C'est ça, Ressus. Donc il va être avec nous aujourd'hui, il va nous parler de nouveautés et ou découvertes musicales en téléchargement. Oui, entre autres, un nouvel album de Le Husky et DeLorean aussi, et j'ai oublié l'autre. Ouais, ben attends une minute, m'a trouvé ça. On va me dire ça tout de suite, là, comme ça. Là. Live de même, moi, vite de même, Facebook, Tokyo Police Club. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc Tokyo Police Club, DeLorean et Le Husky. J'ai très très hâte d'entendre Le Husky surtout. Oui, déjà trois nouvelles pièces qui sont disponibles pour le prochain album. Mais en tout cas, Mathieu et Maxime vont nous en parler tantôt, donc on vendra pas trop les punchs tout de suite. On va le laisser lui-même venir nous expliquer tout ça. Ça va être dans une quinzaine de minutes. En gros, même pas dans... Il s'en vient, là. C'est très bientôt l'arrivée de Maxime Lemieux-Laramé. Est-ce qu'il a pris une machine à remonter dans le temps, DeLorean, t'as pas eu dessus? Hey, on passait en plus en rafale à TVA, ben, sûrement comme ils font à chaque année, plusieurs fois par année. Là. On passait le 1, 2 et 3 dans les dernières semaines. Je pense que la semaine passée, c'était le troisième, là. Malade. On va aussi avoir Simon Fitzbé. Il va nous parler de censure aujourd'hui dans sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, Paul is dead. Donc, comment la censure et les ça rapport avec les femmes, ça rapport avec un acronyme que je me rappelle pas. Il va nous expliquer ça. Il va clarifier les choses tout à l'heure avec nous. Ça, c'est vers les 15h30-esque. Ah ben. Heure de l'Est. Heure de l'Est, oui, ça je voulais dire. Bien sûr. Comme tu disais, on va aussi avoir de la bonne musique. Là. Ça, c'est pas quelque chose qu'on enlève. C'est pas parce qu'on rajoute du contenu dans l'émission du mercredi qu'on enlève de la musique. Ouais, on enlève un petit peu de musique, par exemple. Un petit peu. Une pièce ou deux de moins. Là. À peine. Mais on va commencer tout de suite en musique avec le groupe Woodhands qui sont en spectacle cette semaine au Québec, près de chez vous. Ils sont à Québec le 9, donc vendredi. À Québec, samedi à Montréal. Donc, c'est une des rares occasions pour voir Woodhands qui sont très, très occupés, qui jouent partout à travers le monde. On les écoute avec la pièce Talk tout de suite. À Assemblage requis. Au 89.1 FM, c'est fou. Like me, there I said, it's too soon. Octo Diamond et The Last Diamond in the Cave. À Assemblage Rocky. Vraiment une très très bonne pièce. C'est ma préférée de l'album. Si j'en avais juste une à écouter, vraiment, ce serait elle. C'était l'autre avant, hein, que toi tu voulais. Non, mais c'est super bonne cette pièce-là. Elle était dans le palmarès longtemps. Vraiment excellent. Merveilleux! Quelle bonne affaire d'avoir fait jouer ça. Vous êtes à Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Mais maintenant, c'est pas juste Kiwan et Mathieu qui sont là, là. Voyons donc, arrête-moi ça. Non, on accueille Maxime Lemuller-Amé pour sa chronique télécharge, quoi. T'es un mystère enrobé dans une énigme. Maxime Lemuller-Amé qui est arrivé. Exactement. Et que t'es beau avec ton chandail aligné, ben, toi. Ça, je me suis mis propre. Ouais, t'es chic. Je sais pas pourquoi. Je sors pas souvent, fait que... Quand tu viens à Assemblage Rocky, c'est comme l'événement de ta semaine. C'est ça. Hein? C'est ça. Exactement. Bon. Alors, ça va bien, tout le monde. Avec Kiwan et moi, on n'arrête pas de parler de musique depuis 5 minutes. Ben ouais, on dirait des amateurs. Là, j'ai plus rien à dire. C'est fini. Hein? C'est fini. J'ai... Switch off. Switch off. C'est ça. Non, mais cette semaine, j'ai hésité beaucoup. C'est drôle parce qu'à chaque fois que... Le magazine qu'on reçoit, là, Exclaim. Exclaim, point d'exclamation. Ouais, le Exclaim sort. J'ai comme plein d'idées pour ma chronique de musique, d'albums qui sortent. Et puis là, il faut que je sélectionne. Mm-hmm. Faire cette un semaine, tri de tout ça. Ouais, ça, cette semaine, c'est un peu ce qui est arrivé. J'ai parlé récemment de Born Ruffians. Et puis, je vous avais dit que je les avais découverts un peu en même temps que Tokyo Police Club. Et bien, étrangement, Tokyo Police Club sort un album prochainement. C'est-tu d'Adon, hein? C'est d'Adon, exactement. C'est d'Adon. C'est d'Adon. D'Adon. Ouais, moi j'avais. Il y avait eu un premier album, je pense qu'on l'a reçu ici, Elephant Shell. Ouais, il y a même une pièce sur le palmarès, si je me souviens. Ah, ouais. Ok, ouais. Ben, je trouvais qu'il avait passé un peu sous silence cet album-là. Contrairement à, au EP A Lesson in Crime, il me semble que moi, en tout cas, je l'avais vraiment aimé. Mais sur Elephant Stone, il y a quand même une pièce qui a été. Qui a roulé sur les stations commerciales. Ah, ouais. Ouais, Tessellate, je pense. J'ai entendu ça, il me semble. Je l'ai acheté, mais je me suis procuré, mais je l'ai quasiment pas écouté, cet album-là. Je vous dirais que la pièce Your English is Good de Elephant Shell était sur le palmarès. Ouais, elle joue beaucoup ici. Ah, c'est... À l'été 2008. Ok, ben, elle était aussi sur le premier EP, cette pièce-là. Et ben, dis donc. Mais ça, j'avais vraiment aimé le premier EP. Puis, j'ai remarqué aussi que. Je l'ai beaucoup aimé à cause qu'il y avait des pièces. Où le chanteur chante vite. J'aime ça quand le chanteur chante vite. Ben oui, on aime ça, pas avoir à comprendre c'est les ça, paroles. C'est ça, pas besoin, ouais. Tu chantes tellement vite que tu comprends rien. Exactement. Fait que j'aime bien ça. Puis là, la pièce que je vais vous présenter aujourd'hui, le premier extrait qui est disponible du prochain album, ça, j'ai même pas dit. Le prochain album va s'appeler Champ, puis il va sortir le 8 juin. 8 juin. Ah. Ça va être l'été, pas mal le 8 pas juin. Pas mal, hein, ouais. C'est pas déjà fort. Pas mal l'été finalement, mais bon. Ouais, ouais, mais il y a plu ce matin. Il y a plu, ouais. Puis il a fait sombre. Ouais. Quand même. Alors, c'est ça la pièce Breakneck Speed qui est disponible sur le site web de Tokyo Police Club. La bonne vieille routine, t'inscris ton adresse courriel et puis t'envoies le MP3 par courriel. Instantanément. C'est magique, ça. Magical. Vive les tubes connus sur le monde d'Internet. Ouais, les tubes. Les tubes. La pièce s'appelle Breakneck Speed, Tokyo Police Club, qui vont être à Coachella dans 2 semaines, 17 avril. Pour ceux qui seront dans Californie. Ouais. Nos auditeurs de la Californie. On a un gros public là-bas, ça. Vraiment. On est Worldwide Big International. Vous êtes toujours à télécharge quoi dans Assemblage Rocky. T'as chanté par-dessus le gars, quel manque de respect. J'ai pas chanté. Non, t'as parlé. Back to be back. Spell it. Done and gone away. I remember when our voices used to sound the exact same. Now we just translate. 'Cause I'm still amazed you made it out alive after what you did. Breakneck Speed de Tokyo Police Club qui va paraître. Cette pièce-là va être sur le prochain album Champ, 8 juin. Quand même un son assez pop, hein? Ouais, un peu Tokyo pop. Police Club, hein? Mais j'ai hâte de voir le reste de l'album. Comme je disais, j'avais vraiment aimé le premier démo. Le premier album m'avait un peu déçu. Mais là, je reste quand même un fan. Alors, Moi, je trouve que c'est un bon genre de pop. Là. C'est pas le genre de pop qui m'énerve. Là, ça. Non, c'est ça. C'est aussi pop que bien d'autres affaires qu'on joue, c'est fou pour vrai. Exactement. Ouais. Ce que j'allais dire. Alors, deuxième artiste, DeLorean, et puis Kiwan, avec tes belles recherches. C'est vrai, parce que je fais exactement les mêmes recherches que Kiwan. Mais lui, mais il trouve. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, DeLorean va être à Seattle avec We Are Wolves et Parlors, c'est ça que tu disais? Oui, oui. Avec We Are Wolves et oui, Parlors, c'est ça, exactement. Deux groupes montréalais qu'on a vu, nous, les trois. Non, Mathieu, t'avais pas vu. J'étais pas là, j'étais malade. J'étais malade. Mmh. Qu'on avait vu ici... au Nord-Ouest Café. Nord-Ouest, c'est ça. Ouais. Mais la question que tout le monde se demande, à quand Berlin? À quand Berlin, éventuellement. On sait pas, hein? Dur à dire. Je sais pas si DeLorean vont... DeLorean, je pense que non, en plus. Maintenant, c'est ce que je cherche. En fait, c'est pour ça. Mes recherches sont pourries parce que je cherche juste Berlin partout. Mais c'est ça, DeLorean... C'est que c'est passe-temps, hein? Ouais. DeLorean ont sorti leur troisième album, Subiza. Le 30 mars dernier, alors la semaine dernière, il y a deux semaines, 30 mars. Ça fait à peu près, je dirais, plus ou moins 8 jours, là. Ouais, 8 jours. À peu près, mettons, tu sais, à peu près. Ah, t'es bon d'un jour. Mais ça, il était au Club Soda vendredi, alors il était de passage à Montréal. Et puis, c'est ça, il y a la pièce que c'est rare hein, qu'on entend le monde parler fort comme ça. Ben, c'est rare qu'on laisse la porte ouverte pendant l'émission. Ça m'a super déconcentré. C'est alors, la pièce qu'on va écouter... The DeLorean, c'est Stay Close. C'est un groupe espagnol. Espagnol, caliente. Caliente. Caliente. Je savais pas qu'il était espagnol. C'est quand même rare des groupes espagnols qui font du rock et qui remontent dans le temps. Ben, c'est un peu. Moi, ça me fait vraiment penser à Animal Collective. Là. C'est pas rock. Non, c'est pas trop rock. Mais c'est bon, puis ils chantent en anglais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, DeLorean, vous savez, c'est quoi? C'est la marque de voiture. Ben oui, le char qui remonte dans le temps, c'est ça mes références. Cocasse. Ben, quand j'ai pas vu le film, mais quand même, je peux te faire des références quand tu veux. Alors, c'est ça, c'est DeLorean, c'est l'auto qui a des ailes pour. Comme quand j'étais jeune, mais. C'est passé récemment en plus. C'est la voiture qui retourne dans le temps quand elle roule à 87 miles à l'heure. 88 miles à l'heure. En français, ils disent ça? Ouais. Miles, wow, c'est comme quand ils disent Vancouver. Vancouver, je m'en vais à Vancouver. Super chic, les Français. Hein. C'est comme, parlant de français, là, genre... S'il te plaît, non. Un ami d'un ami m'a dit que... Pourquoi dire Boston et pas Washington? Washington, mais oui, Boston et Washington. Boston et Washington. Ouais. Là, on n'avait aucune réponse à ça. Ben, il n'y en a pas, hein, c'est vrai. À part peut-être aller écouter la pièce Stay Close. À Washington. On s'en va à Washington. J'aime ça, Washington. Donc, DeLorean et Stay Close. Exact. Assemblage requis dans le bloc, télécharge quoi? De Maxime Lemularamé. The best one ever. c'est parfait. Professionnalisme, c'est beau. Excellent. C'était doux, hein? C'était doux, en effet. Moi, c'est comme un canard, je trouve. Alors, c'était Stay Close de DeLorean. On a à peine écouté, mais... En tout cas, je vous en ferai écouter davantage prochainement. Troisième artiste et dernier. Hein. Parce que là, je veux pas empiéter sur le temps de Simon. Le légendaire Simon Fitzbay. Simon, lui, faut que tu enlèves sa place. Non, c'est ça. C'est ça. Sois fin avec. Alors, on a juste un Simon, hein, faut le reconnaître. Alors, en fait, ça, je voulais parler de le Husky. Hein. Tu sais, c'est rare que je parle d'artistes québécois. Ou d'animaux même, ouais, c'est rare. D'animaux très rares. Oui, c'est pas assez d'animaux ici. Le Husky, ouais, c'est rare que je parle d'animaux. Alors, le Husky, on a appris récemment. Kiwan, tu le savais, en fait. Ben oui, ça fait déjà quelques semaines que beaucoup de gens en parlent parce que c'est quand même un album attendu. Son album sort le 20 avril, c'est ça, ouais, c'est ça que tu voulais dire. 20 avril, alors c'est la suite de Chansons modernes pour Cynique romantique que j'avais adoré, le premier album. Puis c'est ça, dans le fond, moi, pour les auditeurs, moi, j'avais une émission de rock francophone avant. Et puis là, Husky... La belle est le mieux. C'est un jeu de mots, donc faut le dire. Ouais. Là, j'étais avec une très belle fille. J'animais avec une très belle fille. Alors, c'était notre nom. La belle est le mieux. Moi, c'est le mieux à cause de mon famille. Ben oui, le mieux la ramée. Exactement. C'était pas comme pour te qualifier. Là. Non. C'était vraiment mon nom de famille là, pour me nommer. Puis le mieux est Bastien. Ça aurait comme été comme moyennement. Ça aurait été plate. Alors, ouais, le Husky, on en faisait jouer très régulièrement. Mais avais-tu écouté, toi, les pièces qui venaient du EP ou démo, là, non? Non. Ben, il y en avait quelques-unes. Qui ont été refaites sur l'autre album. Chansons modernes. Chansons modernes pour Cynique romantique, c'est ça? Exactement. Il raccourcit son nom d'album pour le prochain, c'est ça? Ouais. C'est juste la fuite. Là. Mais le son là, des pièces qui existaient déjà sur le démo avait changé complètement. Le démo, moi, ce que j'adorais du Husky à cette époque-là, c'était vraiment c'était sale quand même. Je ne sais pas si tu connais un peu Égrégore. Non. Mais ça ressemblait beaucoup à ça. C'était un peu c'était vraiment moins bien construit, moins bien fini. Il y avait un petit quelque chose de sale puis d'électro un peu. C'est ce que j'adorais. Puis quand il a sorti son album, son premier album long jeu, c'était sur Grosse Boîte. Ouais. Donc évidemment, il y avait la facture de Grosse Boîte avec, avec le son hyper léché, hyper réalisé. Ouais. Moi, ça m'avait un peu déplu, mais j'ai hâte de voir le son du prochain album. OK. Ben, as-tu entendu les trois pièces qui sont disponibles? Non, juste c'est celle qui est sur la compilation Les Frères du Son. Okay. Dis-moi. Mais je sais qu'il y a trois nouvelles pièces, là, je pense, en trois qui sont sur son MySpace. Dont une avec Fanny Bloom, que je sais que t'aimes quand même. J'ai hâte d'aller écouter ça. Ouais, mais je sais que sur le site internet de le Husky, on peut écouter le démo, justement. Je sais pas si c'est juste des extraits, mais on peut écouter en streaming le démo. Ouais. Alors, c'est ça, ben sur MySpace, on peut entendre trois pièces qui vont paraître sur cet album-là. La fuite. Moi, j'ai choisi La Maison Hantée. C'était ma préférée des trois. Alors, on va écouter ça. Le Husky qui va être au Franco. La première partie de Tricot Machine le 18-19 juin. Groupe que t'adores, hein, c'est ça? Tricot Machine, non. Non, du tout. Bon, je les haïs pas, mais je les aime pas non plus. Aussi, mais j'aime le Husky. Aussi, je sais pas si t'avais prévu le dire, mais il va faire une tournée pour lancer cet album-là. Oui, ben c'est toi qui me l'a dit tantôt. C'est rendu assez rare, ça, des artistes québécois qui prennent la peine de faire une tournée québécoise pour lancer leur album. Puis ça va passer à Trois-Rivières en plus. Oh. Déjà, c'est rare des tournées qui s'arrêtent à Trois-Rivières. Ouais. Tournée pour le lancement de l'album La Fuite doit s'arrêter le 8 mai prochain au Zénob ici à Trois-Rivières. Pour ce que ça donne en plus. Mais j'espère qu'il va y avoir du monde cette fois-ci. Ben oui, hein, on va se croiser les orteils. Hein? 8 mai. Le 8 mai. On va être là, je pense. J'espère. 8 mai. 8 mai, c'est un jeudi ou un vendredi, je pense. Hmm. Je sais que le 2, c'est un dimanche. Le 2 mai, c'est un dimanche. 8 mai, c'est un samedi. 2 plus 6, c'est un samedi. C'est un samedi. Ouais. Ah, OK. Je te le dis, écoute-moi. Samedi, ouais, je suis libre d'habitude. Alors, c'est le Husky avec La Maison Hantée. Assemblage requis dans le bloc, télécharge quoi? Mes potes à Rome vont s'en rejouer dans le monde. qu'on se pète la gueule. D'après ce que j'ai entendu, y'aurait des choses qui bougent tout seul. On aurait vu des fantômes, c'est sûr, il fait tellement sombre. Mais comme dans les films d'horreur, moi j'ai pas peur. Viens donc me joindre à minuit et demi près de la maison hantée. Personne nous a vu quand on est descendu. Des bruits bizarres, pas de monstres dans le noir. Mais mon cœur s'est serré quand on s'est rapproché. Je te chatouille en dessous des bras, ça va-tu ça? Je te rie tout le temps. Ouais, c'est parce que je te chatouille tout le temps en dessous des bras, ça. Ça va ensemble pas mal. Beaucoup d'intimité dans cette émission-là, ouais. Ici. Hein. Ouais, beaucoup. Faut que tu fasses pause, sinon l'autre tour va recommencer. Je l'avais faite, là, câlin. Non, je voulais juste avertir. J'ai fait toute l'illusion du bon gars derrière la console. Non, t'es super bon. Merci. Vous êtes super bon. Alors, c'était la maison hantée de Le Husky. Alors, on attend le prochain album le 20 avril, puis le 8 mai. En spectacle à Trois-Rivières, Zenob. Si vous voulez entendre une autre nouvelle pièce du Husky, il va en avoir une à la dernière porte à gauche ce soir. Oh yes! C'est ce soir, ça, la porte à gauche. C'est mercredi à 17h. Je suis pas habitué, moi, de venir le mercredi. Ben non. Ah ben, c'est tout, moi, pour moi. Ah, je laisse ma place à Simon, à moins que tu sois bien comme ça, à cet endroit-là, Simon. Ben, on verra. Tu t'assois où d'habitude, Simon? À ta place. Ah, ouais. C'est ça. C'est beau à radio de décrire les places où les gens sont assis, hein? Ah, tu t'assois ici. OK. T'es assis là. Colin. On peut dire que là, présentement, je suis à la gauche de Maxime Lemieux à la, la ramée. Mais devant moi, sur les genoux de Kiwan. Ouais, sur les genoux de Kiwan. On est confortable. Et devant moi, la console devant l'électricité. À ma gauche, c'est Maxime. Ah, wow. Okay. Ouais, c'est ça. Imagine comme ça, ça coule, là. Ça coule au bout. Ou vous avez juste à regarder les nouvelles pour voir. Ah, c'est vrai, regardez TVA. Oh, oh, oh. Son tête, sa nouvelle maison. Donc. Ils sont drette dessus. Drette dessus. Alors, adieu. Merci, Maxime. Mais à lundi prochain, t'es pas mercredi. Lundi. On n'est pas lundi là, mais ça va être lundi pour lui là, la prochaine fois qu'il va être là. C'est donc ça. On dit à lundi, point. Point. Lundi, point. Subjonctif, présent, verbe, complément d'objet direct. Donc, avant de poursuivre, virgule. Virgule. On va aller à la pause. Oui, on va prendre une pause. Point d'exclamation, parce que c'est excitant de pause. Hein? Je sais pas de quoi qu'on pourrait parler dans cette pause-là, peut-être de sushi? C'est bon. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous écoutez Assemblage Reiki jusqu'à 17h. Bunker qui doit ressembler un petit peu au studio, c'est fou, hein, juste par grandeur, mettons. Ah, c'est plus grand. Plus grand? Oui, puis on a même 3 pièces. Puis, un divan, hein? Non, pas de divan. Non, pas dans on a genre 3 max, ça, c'est moins le fun. Là, mais... 3 Mac. On a... Ah, là, commence pas, par on exemple. On a 4 PC, par exemple. Commence pas à parler contre l'iPad, sérieux. Ton avis, je suis de ton bord là-dessus, bon. Mais je trouve que les gens qui s'acharnent là-dessus m'énervent de ces temps-ci. Là. Non, mais c'est cool, la vidéo, quand même. Non, ben c'est non, ça. Mais c'est de la publicité. Oui, pour... je sais. Le gars a acheté pour 500$ son iPad, puis il le détruit. C'est correct, c'est sa propriété, c'est correct. L'environnement, ça va, je comprends. Oui, il va être acheté pareil. Tout ça. T'as lu la conversation entre moi et Sophie hier soir. Hein? Sur Facebook. Je comprends l'argument que pour l'environnement, c'est mauvais de détruire un iPad et puis le jeter comme ça, puis il va être bon, etc. Je comprends ça. Je trouve juste ça épais de mettre ça sur YouTube, juste pour faire parler de toi parce que tu vas être le premier à le faire, parce que dans une famille de riches, il y a comme 14 iPads. Ouais, mais tu sais qu'est-ce qu'on dit, hein? Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Peut-être pas que c'est eux autres qui l'ont payé, l'iPad. Peut-être que c'est la compagnie qui leur ont donné pour qu'ils fassent une belle petite publicité virale. Bon, ça ressemble étrangement à des théories de complot. Ben non, bon. Je pense pas. Ça arrive souvent maintenant. Ben, j'avoue que ça pourrait être une très bonne idée, en fait, de faire ça. Vraiment. Ben, parlons-en un petit peu. Juste, rapidement, Kiwan, je sais que ça te tente pas de parler d'iPad. Hein. Ben, je parle pas non plus, t'as remarqué. Hein. OK. En fait, on en parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va écouter une pièce du démo plate, hein, à Vlad Aidan. Vlad Aidan. Puis après ça, ben, on cassera des dents en parlant d'iPad un peu. Okay. Ouh, ça va chauffer. Oh, je pense que oui, moi. It's gonna be hot, muy caliente. Ça me ramène à mon caliente. Al dente, el pasta di amore. Mes amis, les coquerelles, je suis toujours avec elle. La nuit lui rend si belle. Mes cafards sont venus avec moi. Tiens, ça c'était Vlant dans vos dents! Formation Vlant des dents avec mes meilleurs amis de leur démo plate à Assemblage Requis. C'est à peu près ça. Tu veux encore faire des bruits de. Je sais pas si on l'entend tant que ça quand tu zignes ton micro, par exemple. Parce que les pentures sont pas très huilées. Hein. Pas grave. Pas grave. Ça va bien quand même. Ouais. Toi, t'es huilé, par exemple, je pense? Moi? Torse nu comme ça? Ouais. En studio live. C'est... Merci à Kiwan qui, d'ailleurs. A réalisé le tout. Ah ouais. Mm-hmm. Bel job, bel ouvrage. Yeah. On va accueillir Simon Fitzbé pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Voici Paul is Dead. Simon, en passant, j'ai vu ton, la nouvelle intro de Doctor Who sur ton mur sur Facebook, oui. Toi. Et moyenne, pas mal, hein? Non? C'est différent, mais. Je pense que... rare, moi, c'est ouais, sérieux. C'est pas si pire que ça, ouais. Sérieusement. Ça a déjà été pire dans les années 80. Ben, d'ailleurs, ce thème-là en particulier vient des années 80. Ouais. Et c'était pas les meilleures introductions non plus. Musicalement parlant, c'était pas pire. Non, mais... la chanson est bonne, mais le visuel, le genre de la cabine qui tourne en rond, ouais. Drôlement, on dirait genre que c'est comme, tu sais, les ovnis, là, ouais. Les gens qui créent des faux ovnis en mettant genre un couvert de poubelle sur une ficelle, puis dans un shot devant la caméra, tu vois. Ouais, mais c'est, son vaisseau spatial au docteur, ça, c'était qui oscille comme ça. Ouais. Ouais. Comme, ouais. Parce que le vaisseau était fait pour être conduit par 6 personnes, mais il est seul. Puis, bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais reste à dire que j'étais pessimiste par rapport au début de cette nouvelle série-là, série 5 de Doctor Who, et c'était franchement assez impressionnant. Le docteur m'a beaucoup surpris. T'es un peu assimilé par les Anglais en appelant ça des séries, toi, par exemple. Des saisons. Les Américains disent des saisons, les Anglais disent des séries. Oui, mais Doctor Who, c'est comme une série différente à chaque fois qu'il change de docteur. Ouais. C'est tout le temps une nouvelle dynamique qui change. Ouais. Et, félicitations pour le choix de la compagnonne, là, qui est vraiment... Vraiment, hein? Oh, ouais. Oui, vraiment. Kiwan, pas vu ça, toi? Non. Pas ça, parce que c'est pas une chose. Hein. Je vais te montrer ça dans les internets tantôt. Sur les tubes, dans les différentes séries de tubes. Donc, Simon, entrons dans le vif du sujet. Je dirais même le bip! Oui, justement, on vient de parler de censure aujourd'hui. On vient de parler de censure, mais je viens aujourd'hui. T'as pas le droit de dire venir, parce que si tu dis venir, moi, te censurer ça, toi. Non, je suis présent aujourd'hui pour vous parler de censure, les amis. D'accord. Et donc, en fait, je viens vous parler en tout particulier d'un groupe, non pas d'un groupe de musique, mais d'un groupe de personnes pour la censure de la musique aux États-Unis, qui s'est formé en 1985. Et ça, on retrouve à sa tête, entre autres, Tipper Gore. Tipper Gore, la femme de Al Gore. Et je voulais vous poser la question, justement, est-ce que vous savez qui est Tipper Gore? Leur French était écœurant, à un moment donné, les autres. Ah? Il y avait Frenché à la TV, genre, après les élections, ou je sais pas quoi. Là. Oui, pendant les élections de que lui s'en allait comme président, quelque chose comme ça. Montrer qu'il s'aimait, mais quand même. Donc, cette dame est à la tête du PMRC, qui se nomme le Parent Music Resource Center, qui a été formé donc en 1985. On retrouve également là-dedans Susan Baker, qui est plutôt la femme de l'ancien trésorier, secrétaire trésorier, James Baker, secrétaire trésorier des États-Unis, bien sûr. Pam Howard, femme de Raymond Howard, qui était en fait un travailleur à Washington. On trouve également Celie Nevius, qui est femme d'un des conseillers de la ville de Washington. Donc, Washington, qu'on a appris à dire. Washington. Oui. Oui, des femmes qui n'ont pas du tout d'influence. Là. Femmes d'un futur vice-président qui était d'ailleurs à cette époque-là un sénateur brillant, un jeune sénateur brillant qui était admiré chez les démocrates. C'était plus slim dans ce sens-là, je pense. Oui, pas mal plus slim et pas mal plus cool. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est que, bon, cette formation-là, entre autres, s'est créée dans des rencontres de PTA. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est la PTA? Parent Teacher Association, c'est l'Association Parents-Professeurs. La National Association Parents-Professeurs. Donc, remettez ça dans l'ordre. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les mères commençaient à être un peu trouvées. Certains albums qu'ils achetaient à leurs enfants comportaient peut-être des thèmes un peu trop adultes pour des enfants. Mm. Et entre autres, donc, il y a une des mères dans ce groupe-là qui avait acheté l'album Purple Rain de Prince. Et ben, en fait, c'était Tipper Gore elle-même qui avait emmené l'album. Elle avait acheté ça pour sa fille Nikki. Et non, pas Nikki. Karina, pardon. C'est la pièce qui s'appelait Nikki. Ben oui. Et donc, ils ont trouvé qu'il y avait certaines références au sexe et à la masturbation dans cet album-là, The Purple Rain, qui était aussi un film de Prince. Et là, ils se sont dit, ouais, mais là, si ça continue de même, là, ça va être plein de choses vulgaires dans les chansons et tous les albums qu'on va acheter pour nos enfants de 5-6 ans. Et ils vont être comme ça. Mais oui, les Teletubbies vont se mettre à sacrer, là, puis l'autre, oui. le dinosaure mauve. Surtout, c'est pertinent d'acheter un mauve, Prince. Imagine, ben oui, puis, mauve, puis imagine un dinosaure, puis masturbation, mais non, OK, ouais. Mais quand Purple même... Purple Rain. Tu sais, il faut se dire, premièrement, là, quand... Purple Rain. Hein? J'imagine pour les gens à la maison. Là. OK, ouais. Bon, on va se faire censurer, nous autres aussi, un jour. Hein. Oui, je pense que ça s'en vient dans pas long. Donc, pour continuer avec ça, ce qu'elle avait acheté donc Purple Rain pour sa petite fille de peut-être 5-6 ans. Et en tout cas, déjà, bon, les paroles disaient « J'ai connu une fille qui s'appelait Nikki, elle était une amie du sexe. Et donc, je l'ai rencontrée dans un hôtel de lobby et elle se masturbait avec un magazine. » Ça, c'est les paroles traduites de Prince. Mm-hmm. Pas nécessairement censurées, mais quand même, c'était comme ça qu'il présentait. Et déjà, moi, je me dis, en partant, pourquoi acheter un album de Prince à un enfant de 5 ou 6 ans? Il y a ça, là. Ça, c'est une question. Pas parce que ça dit Prince que c'est Petit Prince, puis ça a rapport avec le livre. Ouais, c'est là, ça. Hein? C'est à part d'être vraiment déconnecté de la réalité, là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre des problèmes. Et donc, ils ont décidé de commencer à ramasser des preuves pour la censure, en fait, des albums, pour permettre aux enfants et aux parents d'être mieux éduqués et de mieux comprendre, donc, comment acheter des albums pour que ça aille bien. De leur cacher des choses pour que, dans le fond, ils grandissent pas vraiment et puis soient enveloppés dans de la soie. Effectivement, ça a été un des arguments auxquels on va revenir tout à l'heure par rapport au PMRC ou le PMRC. YMCA, oui, et entre autres, donc, il y avait aussi l'émergence de la musique rap qui s'en venait tranquillement pas vite et qui a un peu mis la puce à l'oreille aux maires du PMRC. Ils se sont dit non, mais là, faut faire quelque chose. Et donc, ils ont décidé de former leur association et ont fait une liste de 15 pièces qu'on retrouvait, entre autres, chez Walmart, donc les gros magasins, les grandes mm-hmm. chaînes à l'époque. On retrouve Darling Nikki de Prince. On retrouve Sugar Walls de Sheena Easton. On retrouve Eat Me Alive de Judas Priest. On retrouve également Bastard de Motley Crue, elle qui parlait de violence, parce qu'ils ont toutes, ils ont aussi classé les pièces. Là. Les trois premières, je vous ai dit, c'était sexe. Ensuite, Motley Crue, Bastard, c'est de la violence. On retrouvait aussi Let Me Put My Love Into You de AC/DC, qui était à propos de sexe aussi. Ouais, on avait We're Not Gonna Take It des Twisted Sister qui était à propos de la violence, Dress You Up de Madonna qui était à propos de sexe et pour terminer rapidement, là, on avait Trash de Black Sabbath qui parlait de drogue et d'alcool. On avait également, et là je cherche vraiment la pièce, oui, une pièce de Wasp qui en fait ça nommait Animal Fuck You Like a Beast qui était à propos de mauvais langage et d'allusions sexuelles. Peut-être, oui, peut-être. Ouais. Quand même ça, peut-être que c'est une bonne idée de censurer les noms. Ben, peut-être aussi que les parents pourraient au moins écouter les pièces avant les faire entendre à leurs enfants. Ça, là, c'est une autre idée. Ça aurait été une très, très bonne idée. Et on avait, entre autres, aussi les attaques subliminales qui invitaient les jeunes à faire du satanisme, utiliser des drogues. Et on avait sur une autre liste qui était justement... ces messages subliminaux-là, on voulait enlever les albums simplement des bacs. Ça, c'est ridicule. Hein? Ben oui, on retrouvait Iron Maiden, Styx, Rush, Pink Floyd, Van Halen, Kiss et Queen. Qui avaient des messages subliminaux prouvés et non prouvés. C'est quand même... Inventés ou autres. Ouais, moi, jouer à l'envers sur un tourne-disque. Et encore là, ça, c'est très rare. Tant qu'à ça, les Beatles avaient des messages subliminaux, tu sais. On en a parlé. On peut faire dire n'importe quoi à une phrase à un moment donné. Je suis allé l'écouter assez longtemps et la preuve étant les hallucinations auditives de Norman Brathwaite. Effectivement. Hein, fait que c'est ça. Effectivement. Donc... En 85, le 19, non pas le 19, mais il y a 19 compagnies de disques qui ont été qui ont été obligées en fait de mettre des petits labels qui se nomment Parental Guidance Explicit Lyric ou des petits collants, vous savez le collant noir et blanc là, que tout le monde connaît aujourd'hui. La boîte noire genre collée dans le coin. Là. Oui, effectivement. Donc ça a été mis pour avertir les gens qu'il y avait des paroles explicites dans les albums là. Mais avant que les albums soient, avant que les albums plutôt, avant que les collants soient mis en place, on a décidé d'ouvrir au Sénat une assemblée en fait pour donc discuter du sujet, savoir quoi faire en fait. Et c'était une troupe de sénateurs qui bizarrement, c'était soit leurs femmes ou des amis de leurs femmes qui étaient au Sénat, donc qui ont formé le comité. Entre autres, Al Gore était là-dessus. On retrouvait également d'autres vieux messieurs aux cheveux gris dont les noms m'échappent. mais quand même. Sûrement M. Thompson, là, quand on parle des jeux vidéo, lui, tout le temps. Là. Il a des bonnes chances. M. Thompson. Non. M. Thompson. Il est-tu drôle? Mr. Jones, des affaires de même. Tu sais. Smith. Ça a été remarqué surtout parce qu'il y a eu trois personnalités, en fait, qui sont allées devant cette assemblée du Sénat. On retrouvait Dee Snider des Twisted Sister, okay. Frank Zappa de Frank Zappa, Twist en lui-même, et John Denver, le fameux chanteur. De Denver. Oh oui. Ouais. Mort dans un accident d'avion il y a quelques années. On avait là-dessus aussi des côtés opposés et pour. On retrouvait donc du côté des pour cette loi-là, Paula Hawkins qui faisait partie également du PMRC, femme je pense de l'homme de ville, quelque chose comme ça. Il y avait Tipper Gore qui était là également, donc toutes les femmes du PMRC étaient pour ça. Et on avait le docteur Joe Stuessy, un professeur de musique de l'Université du Texas à San Antonio, qui parlait en fait du pouvoir de l'influence de la musique sur le comportement. C'est facile à acheter des docteurs, on dirait. Hein? Ouais, quand même. Tu leur donnes une belle petite subvention, puis ils vont venir te dire qu'est-ce que tu veux dans un. En tout cas, aux États-Unis. Oui, au Québec, oui. Ça va bien, sauf au Québec, ils sont quand même assez justes. Mais il y avait également un psychiatre qui était là, et tous les gens, en fait, s'attaquaient plutôt non seulement au rock and roll, mais aussi au heavy metal, qui était de plus en plus populaire dans les années 80 là, auprès des jeunes. Et donc, c'était une bonne façon de les attaquer sur le site, parce qu'ils sont pas nécessairement vulgaires, mais les lyriques peuvent... Les lyriques. Les paroles, hein? Les paroles, ouais, peuvent être un peu violentes. Et aussi, comporter... la musique est agressive un peu, agressante à l'oreille. À peine. Ouais, quand t'écoutes du intense. Classique. Là. Ouais. On avait ça. Et de l'autre côté, on avait Frank Zappa, qui était alors devenu producteur. Il avait sa propre maison de disques. Et on avait également, donc, comme j'ai dit, John Denver, Dee Snider. Et c'est un peu grâce à Frank Zappa si le tout a comme fait du remous du côté des opposants à la loi. Entre autres, à cause... ça a failli passer dans le beurre à cause de Charlie Berner, qui est un représentant, un lobbyiste pour les maisons de disques, qui était prêt à signer une entente avec le Sénat pour laisser passer cette loi-là sans problème, en échange de ce qu'on appelle la blank tape tax. Aïe. Ça, c'est contre le piratage, en fait. Vous savez, à cette époque-là, les cassettes, là, les petites cassettes qu'on avait toutes quand on était jeunes. Audio, là. Ouais, c'est ça. Ça commençait à sortir. On avait des procédés pour prendre, mettons, un disque vinyle, le mettre sur la table tournante ou une cassette et copier le tout sur une autre cassette vierge. Et donc, on avait dit, le Sénat, en fait, avait proposé aux compagnies de disques, écoutez, sur chaque cassette qui va être vendue, on va vous donner un équivalent de 10 sous. Et comme ça, ça va contrer les pertes que vous allez avoir avec le copiage. Même si les gens n'utilisent pas les cassettes. C'est la même affaire qui s'est passée plus récemment avec les CD. Ouais. Où tu avais sur les CD, genre, pour la musique. C'était marqué, c'était un CD vierge, c'était marqué music. Ça, là, il y avait une taxe parce que c'était pour enregistrer de la musique, mais c'était le même CD qu'un autre CD pour les donner. Ouais, ça a fonctionné, puis ça fonctionnait pareil. Ouais, c'était le même genre de CD. Même affaire. Et donc, Charlie Berner a dit, bien, OK, on sort la main, on va faire ça. Finalement, Frank Zappa, lui, a trouvé ça dans les journaux. Il a dit, hey, c'est pas correct, ça. Non, hein? Parce que, donc, il disait, si on perd si on perd le marché, mettons, des Walmart, si je peux plus vendre mes albums dans les Walmart parce que c'est vulgaire et que je veux pas censurer mes albums, bien, je vais perdre à peu près 50% des gens qui achètent mes disques. Ouais. Tandis que cette loi-là, cette taxe-là du tape vierge, dans le fond, va pas pratiquement rien me rapporter. Parce que si l'industrie gagne 10 sous par cassette, ils séparent ça à gang, sont 20, puis les artistes, eux autres, vont avoir quoi? Ils vont avoir... Des restants. Le quart de 2 cents, tu sais, c'est n'importe quoi. Donc, ils ont décidé d'aller devant le Sénat. Et il y avait, entre autres, le sénateur Thurman, qui était un des plus méchants, un des plus vieux aussi. Les c'était plus lui vieux. Qui présidait et sa femme était dans le PMRC. Tu sais, d'abord, il drôle est allé relever ces rapports-là entre les gens. Donc, c'est un peu trop proximité. Proximital. Trop proche. Trop proximité entre... Conflit d'intérêt. Ouais, conflit d'intérêt entre les gens du PMRC et les gens du Sénat. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que lorsque Frank Zappa s'est présenté, il y a Al Gore, qui était, comme je disais, un jeune arriviste au Sénat qui donc allait devenir éventuellement vice-président. Il a dit à Frank Zappa, il dit, « Ah, j'aime bien vos albums, j'aime bien ce que vous faites comme musique. » Et très sincèrement, il dit, « Mothers of Invention, c'est un des groupes que j'aime bien. » Frank Zappa a comme pas compris ce que ça voulait dire parce que, donc, c'était Tipper Gore... c'était la chef du PMRC. Ouais. Donc, il comprenait vraiment pas là, pourquoi... Il pensait que c'était du sarcasme. Oui, il pensait que c'était du sarcasme, mais c'est vraiment un grand fan de Frank Zappa. Il a toujours été, quand il était jeune, donc les années 60, à peu près sa jeunesse à lui. Donc, il écoutait de la musique de drogué et vulgaire et qui parle de sexe n'importe quand. Il faisait ce que sa femme lui disait parce que... Oui, effectivement, effectivement. On retrouvait, comme je le disais aussi, John Denver, qui était en fait opposé à cette censure pour dans n'importe quelle société, ou n'importe où dans le monde, puisque donc l'expérience de la censure va venir mésinterpréter. Ouais, mésinterpréter, ça c'est un beau mot. Mal interprété. Mal interprété, mettons, ouais, pour descendre un niveau plus bas. Merci. Non, mais tu sais, pour revenir descendre, mettons, donc la musique. On va moins comprendre, c'est-à-dire avec la censure. Mettons, il a cité comme exemple une de ses pièces qui se nomme Rocky Mountain High. Ça veut dire donc que t'es dans, en haut des Rocheuses. Mais là, high. Oui, high. High, ça veut dire drogué en anglais. Donc, il pourrait censurer cette pièce-là. Il y a tellement de techniques de censure dans la musique, surtout aux États-Unis, même encore aujourd'hui, il y a plein de pièces juste parce qu'ils font peut-être référence à mettons, un avion qui cracherait dans un building, mettons, tu sais, quelque chose du genre. C'est censuré, c'est enlevé des ondes. Puis ils prennent même la technique du répétage du mot d'avant. Hein. Je sais pas si tu as déjà vu des versions genre où ils répètent le mot deux fois à la place de passer le mot qui devait être censuré, tu sais. Ouais. C'est ridicule. Puis il y a même des pièces qui sont refaites comme, mettons, tu sais, Sexy Bitch, là. À la radio, à toute Sexy Bitch de David Guetta. Là. En tout cas. Mais il a fait une version qui s'appelle Sexy Chick. Puis tout le long, ça dit Sexy Chick à la place de dire Sexy Bitch parce que c'est donc vulgaire, bitch. Les Black Eyed Peas avec Let's Get the Party Started. C'était Let's Get Retarded. Let's get... Ouais, c'est ça. C'est... Mais Retarded, ça peut offusquer les gens qui ont un problème de débilité profonde. Ouais. Je les vois aller manifester. C'est ça. Mais bon, pour terminer avec ça, il y avait Dee Snider également, qui était chanteur de Twisted Sister, qui, lui, n'était pas d'accord non plus. On disait, en fait, qu'une de ses chansons, entre autres, se nommait Under the Blade, était interprétée comme sadomasochiste et faisait aussi référence au bondage, c'est-à-dire attaché avec des cordes, et le viol. Donc, c'est très, très... Mais quand même, donc, lui, il disait non, ça n'a pas vraiment à part. Vous regardez ça vraiment au premier niveau et nanana. Ouais. Et entre autres, eux aussi avaient leur... comment... Leur fan club se nommait la gang... Je peux pas même pas dire ça. La gang d'enfoirés qui aiment les Twisted Sisters, mettons, en anglais, là, pour être gentil. Et donc, ça a été plus ou moins donc bien pris par le Sénat. Bref, cette loi-là a passé. Ça a été accordé par la RIAA, c'est-à-dire la Recording Industry Artists of America. L'industrie du disque. Ouais, c'est ça, exactement. Les artistes donc du disque. Ça a été donc le fameux Parental Advisory qui donc a été appliqué sur tous les albums depuis. Et donc c'est une façon, vous pouvez savoir également si votre album, admettons, vous achetez un vinyle. Ouais. Si vous achetez un vinyle et que vous voulez savoir si l'album est véridique. Eh bien, si c'est un album de 1975 puis qu'il y a un petit collant comme ça dessus, ben il est pas véridique. Ça, c'est comme les codes-barres. Mais, ça, mais est-ce que, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce que cet autocollant-là amène. Parce que je veux dire, c'est quoi, tu l'achèteras pas parce qu'il y a ça dessus? Mais justement, s'il y a ça dessus puis tu connais pas l'artiste, pourquoi t'achètes le CD? Ouais, en fait, c'est que c'est tout dépendant aussi de dans quel pays que t'es. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, bon, probablement qu'il y a une loi avec l'âge qui a été mis. Dans les magasins de disques ici, en tout cas au Québec, moi, j'ai jamais eu vraiment d'indication comme quoi qu'il fallait que j'empêche un disque d'être vendu parce qu'il y avait ce collant-là. Aux États-Unis, par contre, c'est un peu plus regardé plus près. Je discutais de ça justement ce matin avec Alain Lefebvre et il disait que, bizarrement, ça n'a pas vraiment nui à l'industrie du disque. Ça a plus aidé justement certains albums à prendre leur envol. Puis ça, c'était comme des sauts d'approbation. C'était trigger, ouais. Ouais, c'est ça. C'était genre, ah, c'est vulgaire. Et d'ailleurs, l'industrie du rap, c'est pratiquement basé autour de ça. Il y a des albums là, que tu as ça. C'est la pochette de l'album, c'est le parental. C'est comme un paquet de cigarettes. C'est majoritairement un avertissement. Ah oui, c'est ça. C'est devenu ça. En grosse majorité, tu peux acheter des albums, pas des albums, des posters de ça également, que tu peux mettre sur tes murs, des t-shirts. C'est c'est un peu ridicule dans un sens. Tu as fait tatouer ses fesses. Ouais, mais c'est surtout le monde du rap là, qui est concerné maintenant avec ça. Parce que le monde du heavy metal ne rentre pas nécessairement dans les règles, parce qu'il y a certaines règles là-dedans. Je les ai malheureusement pas avec moi. Mais donc, qui disent pourquoi, qu'est-ce qui peut être censuré et tout. Moi, j'approuve plus le système des jeux vidéo et des films, par rapport à vraiment une étiquette un petit peu plus descriptive de qu'est-ce qui se passe dedans. Juste un parental advisory, je veux dire, à un moment donné. T'en as des collants qui disent langage vulgaire, violence, mais encore là, c'est très rare. Je veux dire, ça dépend de où est-ce que l'album a été produit et tout. C'est comme, je trouve ça drôle parce qu'au Canada, en fait, ça, on n'a pas vraiment de collants comme ça à mettre sur les disques. En fait, ce que je cherche, selon la loi, et on continue d'en mettre pareil. Les petits rappeurs qui se produisent dans leur sous-sol, là, eux autres sont bien fiers de mettre ça sur leur album parce qu'ils sacquent peut-être 2-3 fois dans une toune. Puis... En tout cas, les mauvaises retombées, par contre, qu'on a de ça, là, ça a aidé l'industrie du rock, ça a aidé les rappers, mais ce qui n'a pas aidé, c'est entre autres Walmart, qui a décidé de refuser ou de limiter donc les ventes d'albums avec ce label-là et d'obliger les groupes qui veulent vraiment être vendus à grande diffusion de sortir des albums censurés, que ce soit au niveau de la pochette, même que ce soit les paroles. Les titres de pièces doivent être changés ou censurés. On l'a vu entre autres avec plus récemment. À un moment donné, j'étais chez Walmart, j'ai regardé, il y avait un album d'Iron Maiden qui se nomme Motor Psycho, pour pas le nommer. Et t'as un genre de squelette qui sort d'un corps. Et le squelette est tout ensanglanté, ça c'est sur la pochette. Et l'édition Walmart, en fait, c'est juste comme un panneau de bois qui est comme dessiné par-dessus le squelette. Okay. C'est même pas beau, t'sais, c'est pas artistique pour deux scènes. Mais au moins, écrit. Est-ce que tu peux enlever au moins le plastique après, puis après ça, t'as la pochette originale en dessous? Je pense que non, mais je l'ai pas acheté, je l'ai pas ouvert, mais ça ressemblait pas mal à ce que non, tu pouvais pas. Parce que je sais que chez Walmart, si t'as une cote, mettons, pour. Je sais pas, là, je dis des choses en l'air, mais mettons, pour un film qui serait coté 18 ans et plus, ou tu sais, au-delà d'une certaine limite, mettons, s'il est coté une pochette X. Spéciale. Ouais, ou encore, il y a même des disques qui sont retirés, puis tu n'as juste pas le droit de le vendre. Donc, ça, je veux dire, au moins, il laisse la liberté aux gens. Mets une enveloppe de plastique autour du magazine, au pire, je veux dire, comment. D'ailleurs, tu parles de disques qui ont été retirés. L'album In Utero de Nirvana, à l'arrière de la pochette, il y avait des fœtus en plastique qui étaient disposés comme un genre de jardin de fleurs, et l'album n'a jamais été vendu. Chez Walmart. Et d'ailleurs, Nirvana était un peu les amis de Walmart dans un certain sens. C'est eux autres qui ont aidé à les faire connaître, qui ont signé un contrat avec Kmart ou Walmart. En tout cas, un des deux, des grandes chaînes pour la distribution de Nevermind, qui a été le gros album, le plus gros album, dans le fond, du groupe. Et justement, donc, ils ont été un peu écorchés par ça, puisque l'album a été retiré des bacs assez rapidement chez Walmart. Et comme on disait, donc, les rappers sont fous de ça. Là. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent avec ça. Et pour terminer, il y a eu manifestations de la part d'artistes qui ont enregistré des pièces ou lancé des albums pour protester contre le PMRC. Entre autres, il y a NoFX qui, en 1987, ont sorti un EP, c'est-à-dire un petit album, avec une pièce... en fait, l'album se nommait « The PMRC Can Suck on This ». Et donc, oui... Et c'est assez spécial. Et t'avais la femme de Jim Baker, qui était un télévangéliste célèbre qui était sur la pochette. On a entre autres Frank Zappa qui a sorti des albums, entre autres Jazz from Hell, qui était spécifiquement fait pour un peu venir défier les lois de la PMRC. Il y avait également Ice-T qui a lancé The Iceberg Freedom of Speech, Just What You Say. Je vais les dire en anglais de la même façon que j'ai fait l'autre fois, tu sais, tout croche là. Ouais. Donc il dit yo tip, what's the matter? You ain't getting no dick. You're bitching about rock and roll at that censorship dumb beat. Parce que là, à un moment donné, c'est assez. The Constitution say we got right to speak. Say what you want, tip. Your argument is weak. Donc, eux autres, ils se battaient pour le premier amendement, c'est-à-dire droit de parole et tout. C'était assez vulgaire, mais quand même, ça voulait dire ce que ça voulait. C'était dirigé envers Tipper Gore. Et, tout son donc, prénom, Tipper, de toute façon, c'est déjà vulgaire. Oui, Tipper, c'est assez ordinaire, mais ça, c'est son surnom, ça. Ah. C'est son vrai nom, faudrait que j'aille vérifier. Moi, elle l'a choisi elle-même, c'est ça? Ouais, ça se peut bien, ça se peut. Ou c'est Al qui a donné ça. Ah. Et donc, il y en a plein, là, ça. Vous pouvez aller voir, entre autres, sur Wikipédia, il y a la grosse liste qui est là-dessus. Et vous avez donc les choses qui sont arrivées et tous les documents, les renseignements. se retrouve là-dessus. Et ceux qui seraient intéressés à en savoir plus, je vous invite, c'est un très très mauvais film, vraiment mal fait, mais ça raconte un peu l'histoire rapidement de tout ça. C'est un film fait pour la télévision qui a été fait par VH1. C'est un film de 2002 qui se nomme Warning Parental Advisory. Et ça raconte un peu toute l'histoire. Et t'as des très très mauvais comédiens qui font Frank Zappa. Il y a Dee Snider qui apparaît comme étant lui-même. C'est son propre, il joue pour son propre rôle, mais le gars qui fait Frank Zappa est assez assez mauvais. Bon. Et c'est comme la personnage principal, ça a été comme le meneur de toute cette et ils ont choisi guerre-là. Ils ont choisi un gars qui a... Ben, tu sais, Frank Zappa, c'est quelqu'un de très grand, avec des traits très, très, très durs. Là, ils ont pris un gars, tu sais, comme je disais matin, le gars qui joue l'arabe dans les films. Tu sais, il y a tout le temps un gars là, cliché, qui est comme cliché ouais. arabe. Bon, ben, c'est ce gars-là qu'ils ont pris. Bon. Mauvaise idée. T'sais. D'accord. Ouais. On va chercher ça sur les torrents. En temps, c'est illégal, il va falloir YouTube. Censurer ça. Le film est au complet sur YouTube okay. en partie, en genre 15 parties. Wow. En anglais, mais... Est-ce qu'il y a une playlist qui facilite, là? J'imagine. Sûrement. On va aller voir ça. Merci, Simon. Ça fait plaisir. Carrément. Moi, d'ailleurs, tantôt, on parlait du gros débat par rapport aux cassettes vierges, et je vous ai trouvé un extrait de cassette vierge à écouter comme extrait musical. Un extrait de cassette vierge? Ouais, c'est bon. Pas pire, hein? Et on s'y croirait. C'est drôle parce qu'il n'y a comme ouais. pas le... Ouais, c'est ça, d'habitude, on entend la bobine qui tourne. Le... Vous en demandez pas mal. Au début, tu sais. Tu mets ça sur un poids sur le poste, mettons. Ça va-tu marcher? Ça marche pas pendant tout, hein? C'est pas ça. Attends, je pense que... Ah! Mais pas aussi fort que ça, mettons. Fais pas du feedback des micros. Ah! Ça marche pas. Ouais. Dommage. Dommage, en effet. Merci encore, Simon. On te retrouve la semaine prochaine. Oui, dans ta chronique. L'avant-dernière chronique. C'est vrai, le temps passe vite, hein? Déjà. Ouais. Je vais arrêter le grichage parce que ça a l'air comme ça, on n'est pas sur le poste, nous autres. Donc, ta chronique pour les dead, ça va être mercredi prochain, ton avant-dernière. Yes. À Assemblage Requis. On te retrouve aussi à On s'appelle, on déjeune tous les matins, lundi au jeudi, entre 7h et 9h. Il reste 9. Quand t'es compte comme si t'étais une corvée, là, tu sais. Non, je suis triste. Ah, OK. J'en aurais fait tout l'été. 8000. C'est ça. C'est crédible, tout ça. Donc, lundi au jeudi, de 7h à 9h. T'as levé à 5h du matin, je suis sûr que t'aimes bien ça. On s'habitue. Oui, c'est un nouvel horaire. Hein? Oui. Lundi soir, à 18h, c'est Crowd Rock. Et les vendredis matin, à 10h, c'est Album Classique. Oui, oui. Eh oui. Bye. Salut. En fait, bye, il va être là tantôt, tu sais. Il va rester avec nous un peu. Oui, c'est vrai. Un genre de chronique CNX qui s'en vient tantôt. Hein? Oui, CNX Forum tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous, on termine la première heure un petit peu tardivement comme ça. Tout à l'heure, il va y avoir, comme on disait, CNX. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Rien d'autre? Rien d'autre. Rien d'autre? Ben là, pourquoi rester à l'écoute d'abord? Manquez pas ça. Manquez pas ça, c'est excitant. On va être vulgaire. Un gros paquet de rien. Regarde, ça recommence à gricher. Déplaisant. Et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. C'est fou ça, hein? C'est fou ça, hein? C'est fou ça. 89.1 FM. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Oui, et Simon va même se joindre à nous. Reste avec nous, en fait, pour les prochaines minutes parce qu'on va parler un peu de technologie. Oui, de iPad, de tampons Apple. Petite capsule CNX qui s'en vient. Mais pour tout de suite, on va aller en musique, hein, tout de suite, pourquoi pas? Oui, entendre un petit peu de You Say Party, We Say Die. Une pièce qui est censurée, ça la donne bien. Hein? Ben oui, c'est vrai. Ça s'appelle There Is XXXX Within My Heart. Mais le mot, c'est love, là. Mais il fallait pas que tu le dises. Oh, excuse-moi. Pas le dire, ça. Cet assemblage requis. When the morning comes and I don't wanna face the daylight. When the morning comes and I can't make my body rise. When the morning comes and the darkness presses on all sides. When the morning comes I have to fight. Ouais, c'est ça, un tambour qui dure aussi longtemps, c'est quand même quelque chose. On va entendre You Say Party, We Say Die avec There Is Love ou XXXX Within My Heart à Assemblagerie. La référence au tampon, c'était quoi, tu veux dire? C'est ça que tu voulais savoir. Hein? Ben c'est, on parle de tampon, là, tout de suite. On parle de tampon, tout de suite. D'hygiène. D'hygiène d'orifice quelconque dans la chronique technologique CNX. Quelconque. OK, peut-être juste un seul orifice, lequel je vous laisse décider, attention. Forum. J'aime tellement ces intros-là, je trippe bien. Là. Ah ouais, je te rends heureux. Est-ce que tu remarques la pièce vient d'où, celle-là? Ça, non. C'est la pièce qui joue quand tu installes macOS, certaines versions. Ah ouais, il y a la pièce qui joue quand tu l'installes. Ben oui, puis il y a des graphismes 3D là, super jolis, c'est vraiment bien fait. Ah, c'est chouette. C'est quand même bien. Donc aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est forum, donc on parle, on discute, on jase d'un sujet en particulier. Aujourd'hui, on a décidé qu'on parlait de l'iPad qui est sorti en fin de semaine. Simon, sur Facebook, a sorti des commentaires assez juteux. Peux-tu me dire à peu près ce que tu penses du iPad en général, pour commencer au moins? Ce que j'en pense? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton verdict sur l'iPad jusqu'à maintenant, toi qui n'y as pas touché? Ben, je vais dire une couple de faits. Pas oui, d'USB, pas de Bluetooth. Fil USB pour brancher ton fil dans le mur. Ouais. Pas un ordinateur. Là. Ça va pas remplacer mon portable. Exactement. Bon, tu touches au point principal du iPad. On s'entend que c'est pas là pour remplacer un ordinateur. Les gens qui achètent un iPad ont tous un portable et un iPod Touch ou un iPhone. C'est fait pour être entre les deux. C'est fait pour être assis dans ton salon. À la place de sortir ton iPhone pour checker tes emails, ben, tu vas ouvrir ton iPad, tu vas avoir plus de place, tu vas être plus loose dans tes affaires. Tu vas pouvoir écrire un courriel, aller voir des sites web, regarder des vidéos sur YouTube, n'importe quoi, tout ça, sans voir le petit écran et sans avoir à sortir ton gros ordinateur qui pèse ses livres. Ouais. Bon, c'est fait pour remplacer pas grand-chose. C'est comme fait pour créer un nouveau marché. Moi, je vois pas la comparaison avec la tablette PC. Pas vraiment. Il y en a pas vraiment. Puis ça devrait, mais il y en a. Oui, mais ce qui est dommage, moi, ce que je vois avec ça, c'est que ça propulse un peu ce marché-là qui est en éclosion. Il faut dire, le marché de la tablette, là, c'est récent, c'est nouveau et ça sera pas au point avant encore une couple d'années, selon moi. Tout à fait. Et c'est un peu dommage parce que là, les gens vont entendre la compétition de la part de Windows, mettons, de la part des PC en général, et ça s'en viendra pas avant encore quelques temps. C'est ça. Donc, Apple, à place de juste installer macOS sur cet gadget-là, à la place d'essayer de mettre le système de l'iPhone version upgradée avec quelques petites affaires de plus. Donc, les applications qui viennent avec ont plus d'options, ont plus de capacité, si on veut. Donc, les tests, ce qu'on lit dans les critiques, c'est vraiment que, bon, l'application, par exemple, de notes est vraiment plus le fun. L'application de calendrier sert plus à quelque chose. Donc, t'as plein d'ajouts. Mais en même temps, est-ce que tu vas vraiment utiliser le iPad comme agenda? Est-ce que tu vas le transporter dans ton sac? Ça, c'est la question, parce qu'il y a un écran tactile qui veut pas, même si c'est en silicone et qu'il y a une belle écran protectrice. Il y a un écran oléophobe, un petit peu comme le plus récent iPhone 3GS. Donc, apparemment, on dit que les traces de doigts sont moins visibles. Non. J'en ai vu des vidéos, puis c'est quand même assez visible. Oui, mais le truc aussi, c'est que si je mets le iPad dans mon sac... Ouais. Il pourrait se briser ou il pourrait y avoir des petits scratchs qui apparaissent en quelque part, des égratignures sur mon écran. C'est pour ça que j'imagine que Apple, dans sa grande essayons de faire le plus d'argent possible, te vend un protecteur qui ressemble un petit peu à un cartable, qui se vend genre une 30-40 de dollars, et en plus tu peux acheter ton petit stand pour le mettre debout, pour le recharger, qui coûte un autre 30-40 dollars. Il te bloque sur bien des choses qui sont essentielles. Avant, quand t'achetais un iPod, t'avais un fil t'avais le dock avant pour l'iPod. Ouais. Puis t'avais le fil pour brancher l'audio vidéo, peu importe. Il y avait telle affaire. Maintenant, c'est tout à part. Bon, c'est Apple. L'affaire sur la prise USB pour charger dans le mur, je peux comprendre qu'il n'y ait pas, qu'il ait mis. Dans le fond, pas de prise USB normale, c'est ça? Non, il n'y a pas. USB normale. À la place, c'est dans le fond... C'est le dock. Dock connector qu'on appelle, là, bon, donc si tu veux pouvoir utiliser un accessoire, ben tu peux pas. Il y a la grosse fiche plate, là, et mince que tu rentres dans le bouton iPod. Ça mène vers une prise USB, mais il n'y a pas de prise USB sur l'iPad, donc il faut que tu branches dans un petit adaptateur, et après ça, tu branches ça dans le mur. Effectivement, ou dans ton ordinateur. Oui, c'est ça. Sauf que après avoir vu beaucoup de vidéos de open box là, qu'on appelle, là, c'est des gens qui achètent le truc, qui ouvrent la boîte avec leur caméra et là c'est tout nouveau, ils nous montrent c'est quoi. Il y avait un gars entre autres qui disait probablement ça va mieux de brancher ton USB dans le mur et de prendre l'énergie. Et non, à ce qui paraît, ça prend deux fois plus de temps. OK. Pour brancher donc ton fil directement dans le mur. Bon, ça va mal là-dessus. Et tu peux pas recharger ton iPhone sur ton iPad parce que t'as pas de prise USB encore. Et non, tu peux pas faire de transfert de musique non plus. Et non. De là, l'argument aussi que c'est pas vraiment un ordinateur. Non. Parce que si j'ai un iPad, si j'ai un iPhone ou un iPod, je peux pas transférer ma musique dessus en ayant de la musique sur mon iPad. Et là, probablement que iTunes aussi, t'es obligé d'acheter tes pièces sur l'iPad c'est et ça. Les transférer d'une façon X. Ben, même pour les documents, ils te conseillent de te les envoyer par courriel. Parce que tu peux pas ouvrir de documents puis les transférer sur ta clé USB. Il n'y a pas de Bluetooth. Donc. C'est ça, il n'y a pas de Bluetooth. C'est un peu dommage. Mais probablement, c'est des trucs qui vont être réglés à la longue ou ça va faire comme le... Comment il s'appelle déjà? Le MacBook Slim? Air, qui est disparu... Qui existe encore, mais il est beaucoup moins acheté. Il n'y a pas de mise à jour de ça. Ouais. Ça pourrait arriver. Mais il faut se dire que c'est la première génération du iPad, donc évidemment, il va y avoir des améliorations à faire et les avant-gardistes, ou peu importe comment ils veulent s'appeler, les early adopters, qu'eux autres même se nomment, qui l'ont acheté au premier coup, ben, sont justement les cobayes et les hamsters de ce produit-là, comme tous les produits d'Apple et d'autres compagnies, il ne faut pas se le cacher. Mais en même temps, pour 500$, ça vaut la peine de l'acheter tout de suite, parce que la prochaine version va venir dans quoi? 9, 10, 1 an? 9, 10 mois tu ou Tu penses que ça va être si long que ça, toi? Ben, ça pourrait être long. Ça pourrait être. Quand même, là, il y a la version 3G qui sort à l'été. Oui, dans, déjà, je pense, un mois à peu près. Oui, un mois, c'est déjà long à attendre pour un 3G. Il y a probablement des gens qui s'achètent la version Wi-Fi présentement, ils vont racheter la version 3G. Ça va être facile de revendre la version pas 3G, je pense. Ça va être assez facile. Oui, ça va être facile si ils vendent à un prix raisonnable. C'est ça. Parce que pour acheter la version 3G, c'est ça, dans le fond, la version 3G, ça va être, tu achètes un plan, c'est pas pour téléphoner, c'est juste pour avoir du download là, sur Internet, n'importe où, sans réseau Wi-Fi autour. Et ça, ça va coûter genre, c'est quoi, entre 15 et 20 $ chez AT&T. Donc, il va falloir que tu paies ton plan à chaque mois à ta compagnie de téléphone pour pouvoir avoir accès à Internet au coin de la rue à la place d'être chez vous. T'sais. Version 3G, bizarre ça. Mm. Pas sûr. Puis ça va être pour plusieurs centaines de dollars de plus pour juste l'appareil. Et puis après ça, le plan. T'sais. En tout cas, nous autres, on n'est pas convaincus. On attend. On Les amis Facebook me disent que le iPad a un support Bluetooth. Oui, mais c'est pas pour tout. C'est bloqué sur plein d'affaires. Là. Ah, OK. C'est ça. Il y a du Bluetooth, mais pour certaines choses. C'est assez... Hier, j'ai tout simplement mis la vidéo là, des gars qui fracassent l'ordinateur et l'iPad, en fait. Et ça a fait une grosse commotion. J'ai à peu près, je pense, je suis rendu à je sais pas combien de commentaires, au moins une vingtaine là, de gens qui sont contre mes arguments, contre l'iPad. Et... Ouais. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas. T'as le droit d'acheter l'iPad si tu veux. Oui. Mais en même temps, moi, j'attendrai pour les nouvelles tablettes qui vont s'en venir. Et aussi, il faut dire que pourquoi l'iPad au départ... C'est que Apple, disons, on ne sera pas capable de faire un mini netbook version Apple sans que ça soit de la totale merde à un prix à peu près de 500$. Mais je dis pas que c'est de la totale merde un iPad, mais c'est pas un ordinateur netbook non plus. Là. Non, ben c'est ça. Exactement, c'est pas un netbook. Tu serais beaucoup plus heureux avec un netbook. Oui. Ben, quand tu sors le clavier là, du iPad, là, ton écran est à peu près... ton clavier est deux fois grand comme ton écran en partant. L'écran mesure 9.7 pouces en diagonale, pouces, mais c'est pas du 16.9, c'est du 4.3. Là. Donc c'est bizarre. Ah, puis ça me rappelle une chose aussi. Tu peux utiliser ton fil pour envoyer vers la télé. Tu sais, le fil que tu Apple TV. Mais il est bloqué sur la plupart des applications comme Netflix pour regarder des émissions de télé ou des trucs comme ça. Donc tu peux brancher vers ton écran de télé pour certaines applications, mais la plupart des applications que tu voudrais... te servir de et bloquer. Et tes applications que tu as achetées pour l'iPhone et l'iPod Touch ne sont pas transférables. Non, ils ne sont pas transférables. Ils sont plus chers. Oui, c'est ça. Mais tu peux utiliser tes applications de iPhone, tu peux les acheter et les faire fonctionner sur ton iPad. Mais ça coûte plus cher. Ouais, non. Si tu achètes une application normale, tu peux la grandir vers ton écran complet. Okay. Donc ça, tu peux faire ça. Mais oui, il y a des applications qui sont faites spécifiquement pour l'iPad qui coûtent beaucoup plus cher. Ouais. Parce qu'évidemment, il a fallu que les développeurs passent du temps pour faire une deuxième application et puis tant qu'à l'avance, en haute définition. Et tout. C'est ça, exactement. Donc, tu peux charger plus cher. Ça, je peux comprendre l'intérêt de charger plus cher. Par contre, il y a des applications, et là, je m'avance, je crois, qu'il y a des applications qui font les deux. Donc, tu peux avoir sur iPhone et sur iPad. Mais évidemment, les compagnies sont plus du genre à vouloir faire une version spécifiquement pour l'iPad pour pouvoir charger plus cher. Ben oui, c'est normal. Tu sais, oui, tout à fait. Pas être contre la vertu, là, tu veux faire ton entreprise, c'est de faire des applications. On va diversifier le produit. Mais reste que ça fait un beau papier électronique. Papier électronique à 500$. Mais même si le on Kindle, même le Kindle qui est 400$. Exact. Mais c'est trop cher. Non, oui, c'est trop cher, mais c'est un nouveau produit et ça, ça fonctionne très, très bien. Et les gens qui lisent des livres sur, sur le Kindle ne peuvent plus s'en passer maintenant. C'est parce qu'ils disent que vraiment, tes yeux ne se fatiguent pas avec de l'encre électronique. Contrairement au iPad, qui lui est dans le fond un écran à électrolydiode luminescente, c'est ça. Lui, ça pourrait te fatiguer les yeux. Parce que l'écran du Kindle est fait exprès pour la lecture, tandis que l'écran du iPad est pour plusieurs choses diversifiées. Mais si on compare le Kindle à l'iPad, Kindle 400$, iPad 500$ pour le modèle le moins cher, avec tout ce que tu as comme option de plus, si tu prends le Kindle comme base et de barème de prix, t'es vraiment gagnant avec l'iPad. Ouais, avec l'iPad. Tu peux faire plus de choses avec. Ouais. Et les livres sont animés quand tu ouvres le livre, les pages se tournent, c'est très très joli. Les critiques que j'ai lues disent qu'une fois que tu l'as eu dans tes mains, que tu l'as essayé, là tu dis vraiment Ah, t'es pas si pire que ça finalement. L'iPad? Ouais. Ah, pas si pire finalement. Je te dirais que j'ai pas totalement mis de côté l'idée de me le procurer éventuellement. Ah, ça par exemple, mais... je suis pas sûr que j'irais jusque-là, mais ouais. De 500$, là. Oui, mais j'ai pas dit quand non plus. Non. J'ai pas dit dans quel état. Non. Je vais peut-être le prendre usagé, en emmener à quelqu'un. C'est une mais bonne idée. J'ai pas l'intention d'en acheter un neuf d'ici au moins un an ou deux. Je vais attendre. De toute façon, un produit Apple refurbished, c'est déjà pas mieux qu'un refurbished d'une autre compagnie. Oui, exactement. Il y a tout le temps moyen donc de le faire réparer par quelqu'un de qualifié pour bon prix. Et voilà. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Oui, c'est que je vais attendre également de voir qu'est-ce qui va arriver au niveau des marchés des tablettes PC. Ouais. Là, j'en ai vu annoncer. Je me rappelle pas quelle compagnie aujourd'hui même que j'ai vu ça d'annoncer que ça a l'air absolument malade comme tablette. Je me renseignerai puis on en reparlera. J'en ai vu une, moi, là. Wow. C'est un ordinateur portable avec clavier, sauf que tu peux détacher l'écran complètement. Le virer de bord, hein? Tu peux l'enlever, le détacher, ça devient une tablette. La batterie, tout l'ordinateur est dans l'écran, dans le fond. Wow. Le clavier n'est qu'un clavier. Et c'est un beau système d'exploitation Linux. Oui, oui, oui. Et tu peux faire plus qu'une chose à la fois avec. Et t'as flash, et t'as des USB, et t'as Bluetooth. Mais on pourrait continuer genre le double du temps qu'on vient de faire là. Parlons rapidement juste du flash, là, parce que le flash, là, c'est rendu qu'Apple force les autres compagnies à changer leur technologie et refaire leur HTML 5, qui est le futur. C'est parfait parce que ça va encourager le futur, mais en même temps, c'est pas à Apple de décider si flash va être le futur ou pas. Non, là. Effectivement. Et je rajouterais là-dessus que en étant historien, les gens vont vouloir aller sur Internet, sur des vieilles pages Internet qui existaient aujourd'hui, mettons, mais dans 20 ans. Ouais. N'auront plus Flash installé sur leur ordinateur. Voilà. Il n'y aura aucune compatibilité, à moins que quelqu'un produise un nouveau programme Flash, mais quand même, ça vient causer des petits problèmes. Pourquoi ne pas garder le Flash comme c'est là et de laisser les choses évoluer comme elles le sont? Même si personnellement, je trouve que Flash est de la merde, là. Sérieusement, moi, je trouve que c'est vraiment merdique, là. Mais c'est ça qui marche en ce moment. Étant un utilisateur Linux, je ne peux qu'aller dans ton sens parce que Flash sur Linux, c'est pas très bon. Et sur Mac non plus. Donc, j'imagine. C'est ça. Donc, ça, c'est pour le flash. J'ai fait mes recherches sur le Bluetooth pendant que tu parlais tantôt et les affaires qui sont permises, c'est pas mal les écouteurs sans fil, le clavier sans fil d'Apple. Donc, ils vont vraiment cibler sur les affaires qui ont le droit d'utiliser le Bluetooth et qu'est-ce qui n'a pas le droit d'utiliser le Bluetooth. Donc, t'es vraiment dans une boîte avec l'iPad, mais en même temps, c'est pas fait pour être libéré et pour être libre. C'est fait pour faire, pour garder des photos, aller voir tes courriels, aller voir des sites qui sont pas en flash. Être cool, flasher devant tes amis quand t'as un foulard dans le cou. Puis, tout ça. Pour ça, c'est bien. C'est un bel appareil de mode. Tu te promènes avec le foulard, les lunettes de hipsters et ton beau iPad dans les mains et toutes les filles tombent à tes pieds. Mais comme on disait, par rapport à la liberté, je terminerai là-dessus. Je trouve ça dommage quand même de mettre 500$ pour un produit où tu peux pas changer l'OS. Tu n'as aucune possibilité de rien rajouter dessus, à moins que ça vienne des magasins d'Apple. Et donc, t'es jamais libre avec ça. C'est ça. T'es quand même enchaîné un peu. Ce qui est différent du Mac où les gens disent que t'es fermé là-dedans avec le Mac, c'est pas vrai. Tu peux installer Linux sur un Mac. Windows aussi. Ce que tu veux, tu peux installer Windows. Depuis récemment. Oui, mais avant, tu avais une machine virtuelle qui pouvait faire runner Windows. À ce temps, tu peux l'installer directement. D'ailleurs, j'envisage peut-être d'acheter un gros iMac, là, les gris, là, les gros de 40 pouces. Parce que c'est une belle machine en tant que telle. Ce qu'il y a dedans, c'est parfait. Oui, j'ai pas l'intention, par contre, d'utiliser macOS. Okay. Je vais utiliser d'autres programmes, mais quand même, c'est très beaux ordi. Tout à fait. Et l'iPad est un bel ordi, c'est ça. Si on nous en donnait un, si on l'avait pour pas cher, on aimerait ça l'utiliser parce que c'est un très bel appareil, mais pas sûr que c'est pour tout le monde. Mmh. Voilà. On va recevoir une version d'essai Apple Canada et on va vous la racheter par la suite pour pas cher. Pas cher. Merci Simon de ta participation dans la chronique scénique. Oui, merci de m'avoir invité à rester. Merci Kimo de nous avoir écoutés. C'est sûr, ça aurait été beaucoup plus intéressant si c'est moi qui étais intervenu tout le temps. Qu'est-ce que tu penses du iPad, toi? Moi, je pense. Moi, j'avais pas d'opinion avant de vous entendre parler. Mm-hmm. Et puis là, maintenant, ce que ce que je pouvais déjà penser avant est maintenant clair. Je pense que c'est clairement un besoin qui a été inventé. Exactement. D'avoir un iPad. Ouais, il y avait vraiment pas besoin de ça. Puis maintenant, ça va devenir indispensable. Ils vont en avoir de plus en plus. Mais ils ont tellement créé le besoin. Oui, ils ont créé un marché, une pointe de marché qui n'existait pas tant que ça. Mais en même temps... Puis après ça va être d'autres choses. Là. Oui. Une fois que tout le monde va avoir un iPad puis que ça va être rendu banal, ils vont avoir d'autres choses que personne n'a besoin présentement puis que mais... tout le monde va soudainement avoir besoin. Est-ce que tu as besoin de ta TV? Est-ce que tu as besoin de ton ordinateur PC? Est-ce que tu as besoin d'une télécommande? Est-ce que tu as besoin de... Tu sais, il y a plein d'affaires que tu n'as pas besoin mais que tu aimes ça parce que c'est le fun. Mais non, au contraire. Là, un ordinateur, ça a une utilité puis ben une oui. télévision, mais... T'sais, autant qu'un iPad. À un moment donné, faut que tu regardes dans ta vie, puis ce que tu veux être là, comme être humain, puis comment tu veux interagir dans le monde, puis évalue là, à partir de là tes besoins, puis tu vois qu'il y a bien des affaires qui sont vraiment pas nécessaires. J'en voudrais lire quelques-uns des commentaires sur Facebook, et c'est assez faible comme argumentation. Ouais. Les miennes sont pas nécessairement toujours très bonnes non plus à cause de ma haine viscérale pour tous les produits de Apple. Tu m'énerves avec ça, ta haine contre Apple. Je comprends, ça peut être justifié en certains moments. C'est pas tant les produits d'Apple, c'est les gens qui défendent corps et âme les produits d'Apple en disant que c'est la meilleure chose au monde. Oui, les Mac Heads, je suis tout à fait d'accord avec toi, je compte ça moi aussi. Faut faire la part des choses. Il y a des affaires à un moment donné, tu sais, que ça sert à rien de s'acharner sur quelque chose autant que ça sert à rien de le défendre comme si c'était la meilleure affaire du monde. Faut être entre les deux puis voir les pour et les contre, les bonnes choses et les mauvaises choses que chaque compagnie fait. Je suis très très contre le fait que c'est très très fermé, surtout le App Store et surtout, comme tu dis, pas de Bluetooth, pas d'USB, juste pour être sûr qu'on achète tout sur le iTunes Store. Les nouvelles compagnies, par contre, veulent faire des applications qui vont se retrouver sur tous les modèles maintenant. Ouais. Il y a beaucoup d'associations de fabricants d'applications qui font ça. Et voilà. Bon, donc faites votre propre verdict. Laissez-nous vos commentaires sur la page Assemblage Requis sur Facebook. Taper Assemblage Requis, hein, aller sur Facebook.com parce que tout se passe là. C'est un peu comme un monde fermé. Hein, les gens jouent sur Farmville, puis c'est aussi fermé que Apple finalement. Voilà pour la chronique technologique CNX. On se retrouvera une autre fois. Merci à Simon, merci à Kiwan. Est-ce qu'on peut entendre ça dès demain matin? Ou... Oui, demain dans CNX.z, puis il va y avoir ça et la chronique, la crotique, comme on disait dans le temps, de Danny Janvier. Ça va être dans l'émission CNX.z demain matin à 10h. T'es très fort, Mathieu. Tout ça en plus de chiptune de musique de jeux vidéo. Et nous, on revient avec d'autres sujets que l'iPad, parce que je commence à être un petit peu tanné d'entendre parler de l'iPad, sérieusement. Oh, tu dis ça, hein, mais... J'aime ça en parler, par exemple. T'es encore tout excité. Moi. Je vais aller me nettoyer pendant la pause. Les fébriles. Ouais. Vous êtes assez fous, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fous. Vous écoutez Kiwan et Mathieu. Assemblage Requis. Je te fais danser. La pièce ce soir de Mono Grenade à Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées. Oui, on se remet tranquillement pas vite de cette discussion. On en parlait pendant la pièce, là, Kiwan. Tu veux pas avoir plus de gadgets à utiliser dans ta maison, hein? Non, c'est ça. Moi, tu sais, je voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui te défend ou qui est contre Mac, là. C'est, moi, je m'en fous complètement que ce soit Apple, ouais, ou que ce soit PC ou peu importe. Tu fais bien, ouais. Moi, c'est juste l'abus des technologies, là. On en a trop. On a trop d'objets pour faire rien, tu sais. Mais imagine si, mettons, ton portable était remplacé par une tablette, là, oui, juste si tu peux avoir un objet qui va te permettre de maximiser son utilité puis de faire plein de choses avec, mais s'il faut que tu aies un gadget pour chaque chose, t'sais, c'est tellement pointu l'utilisation d'une tablette, pas vrai que tout le monde a besoin de ça. Non. Là, du tout. C'est bref, tu vois, on en parle encore. Mais en même temps, on se dit les vraies affaires. On se parle les yeux, des plus belles des yeux, faut se dire parce que ça vous concerne, parce que dans ce c'est notre slogan aux ondes corrompues, c'est un peu. Parce que vous avez le droit de savoir. Hein. Voilà. Parlant des choses qu'il faut savoir, là, on sort un petit peu là, du monde, on tombe dans la vraie vie, dans la réalité. Des choses là, qui ont de l'importance, parce que c'est une place assez cool, merci, qui vient de fermer. On n'en a pas parlé tant la semaine passée, moi j'en ai parlé un peu à mon émission la semaine dernière, mais je voulais qu'on en discute un peu, puis on n'a pas fait de toute la semaine passée, ça a comme échappé à notre attention. On n'est pas des bons animateurs radio, hein, on parle ça pas d'affaires importantes. Non, c'est nous autres, on parle des choses d'actualité une semaine après. C'est ça, un peu comme qui d'autre déjà? Non, on n'aimera personne. Non. Donc c'est ça, c'est le 27 mars dernier, ça fait longtemps quand même, c'est pas samedi qui vient de passer, c'est l'autre d'avant, c'est la dernière soirée au Charlot qui a fermé ses portes, qui était un... Le meilleur bar qui est pas tapageur et où tu peux relaxer et placoter entre amis. Ben, en tout cas, c'était un très bon endroit. Voilà. C'est aussi en même temps un diffuseur qui avait quand même une petite partie de la diffusion culturelle à Trois-Rivières. Elle était plus petite depuis quelques temps, là, mais quand même. Ouais, c'est ça. Mais il y a une autre place qui prend de plus en plus d'ampleur ces temps-ci. Mais quand même, le Charlot avait quand même son marché, si on peut dire, où tu sais, c'est ces types d'activités qui étaient diffusées là, dont entre autres Partie Intime. Le spectacle d'improvisation théâtrale qui était diffusé à tous les premiers mercredis du mois. Ça aurait dû être la dernière représentation de leur saison ce soir, d'hiver 2010. C'était supposé être ce soir. Le spectacle va être annulé étant donné que bon, ils ont plus d'endroits pour être diffusé. J'ai entendu dire que le trottoir de vin est encore libre. Oui, c'est sûr, mais c'était un événement qui avait quand même beaucoup de succès. Hein. Ouais. Je sais pas si j'ai été faire un tour au Charlot les soirs de parties intimes. C'était pas mal plein. C'était vraiment plein. C'est ça, la dernière représentation qui devait avoir lieu ce soir de Partie Intime va être annulée. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que... Tu travailles sur une série de mini-spectacles cet été, c'est ça? Oui, c'est ça. Le spectacle ne sera pas reporté, hein, c'est ça? Non, c'est ça. Non, c'est complètement annulé. Complètement annulé. Qui était, dans le fond, c'est dommage parce que c'était vraiment leur dernière. Donc, ils auraient pu dire adieu. On peut plus dire adieu du tout. C'est comme une série qui est retirée des ondes avant la fin. Ça fait suffire. Hein? En tout cas, bref. Ils travaillent sur des projets de mini-série de spectacles pour l'été à une nouvelle place. On ne sait pas encore où. Ils vont prendre des arrangements pour faire une série de spectacles à l'automne aussi. Donc, une série régulière de parties intimes, on peut deviner, cet automne. Où? Bon, on vous tiendra au courant, hein? Oui, c'est sûr. Dommage, ça. Moi, je suis vraiment triste pour le Charlot. J'ai beau faire partie de la gang de gens qui ont comme arrêté d'y aller parce que j'ai pas de vie. T'sais. C'est ça, on se sent quand même presque coupable, hein, parce que moi aussi, c'est un endroit que je fréquentais quand même régulièrement il y a un an ou deux. Ouais. Puis dernièrement, on sait pas pourquoi. Pas on parce sort que, pas, nous autres. C'est pas parce que, moi, c'est pas parce que j'aimais pas le Charlot, pas parce que rien, aucune raison. On l'a pas remplacé par une autre place non plus. On l'a pas trompé. Ça. Juste comme ça fait que si plusieurs personnes ont, comme nous, juste arrêté de sortir régulièrement, mais ça donne ça. C'est très triste, mais en même temps, pour ce qui est quand même la partie bar, café, resto, c'est sûr qu'il y en a un million d'endroits là. Oui, mais c'est toute la musique qui crie, puis tu peux pas t'en as pas parlé. L'ambiance, l'atmosphère au Charlot était presque unique. Deuxième position, peut-être le Gambrinus, mais après une certaine heure dans la soirée, ils se mettent à mettre le volume au max. C'est pas au centre-ville non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc voilà. Bref. C'est triste. Que voulez-vous? On est triste quand même que Charlot soit là. Oui. Pour ce qui est de la partie diffusion, c'est sûr qu'il y a l'appart qui risque de ramasser une partie de ce qui se diffusait là. Quoique, tu sais, en même temps, je pense qu'il y a peut-être un genre de compétition un peu qui existait déjà entre eux. Donc, je suis pas sûr que les personnes qui avaient l'habitude de présenter leur matériel au Charlot vont switcher aussi facilement. Kino est rendu où? Kino est rendu à l'appart. C'est ça, hein? À cause justement d'un conflit qu'il y a eu. Donc, je pense qu'entre les deux, il y avait un genre de compétition. Mais en même temps, l'appart, oui, c'est un très beau centre de diffusion, mais c'est pas un endroit où on peut aller. Non, mais peut-être que ça devrait. Peut-être que ça va le devenir un jour, je sais pas, mais... Ce serait le fun s'il servait du café puis de l'alcool, ce serait cool. Comme mais en même temps, visuellement, pis sans aucune offense à l'appart, c'est un endroit plus agréable pour juste être là. S'il n'y a pas de spectacle, le Charlot, c'est un endroit qui est quand même plus visuellement agréable. Pas visuellement, mais c'était plus chaleureux, je sais pas. Mm. C'est une galerie d'art là, quand même, l'appart là, à la base. Là, donc, c'est pas fait pour aller juste aller prendre un café. Là. Ça va laisser un trou, comme le Macusard quand il est fermé, puis comme plein d'autres choses qui laissent des trous. Il sera pas remplacé, et finalement, un jour, la ville va devenir une ville fantôme. C'est ça, où ils vont ouvrir des restaurants à poche. En tout cas, bref, c'est ça. Feu le Charlot. Et puis, on vous tiendra au courant de Partie Intime, comme on vous a dit, on est là pour ça, pour en parler une fois de temps en temps, là, même si c'est en retard un peu. Ouais, puis en attendant, on continue à parler des spectacles qui seront présentés à l'appart. Hein. Je n'ai pas l'air d'avoir parlé contre l'appart. Non, on les aime, l'appart. C'est un très beau diffuseur, là, on l'aime. Donc, on retourne la musique? Ouais, pourquoi pas, on va changer les idées un petit peu. Beaucoup de négativisme aujourd'hui, je trouve que... Pas sûr, moi. On est dans, en fait, la radio polémique, polémiste... La trash radio. Trash radio. Ah, j'aime ça, la trash radio. la trash radio! On va aller écouter un petit peu de Silver Starling. Silver Starling, qu'est-ce que t'en penses? Oui, allons écouter ça. La pièce s'appelle Closa. Assemblage requis. Au 89 FM, il nous reste encore une petite dizaine de minutes, donc restez avec nous. Restez après aussi, hein. Partez pas, c'est ça que je veux dire. Bon, je mise sur. Je pense qu'elle va se trouver une job. Sûrement que c'est déjà fait. Elle est sûrement déjà en train de travailler ailleurs. Oh, on n'est pas inquiet quand même pour le staff de Charlot. C'est ça. Hyper. Ce sera pas trop long, pas de job, eux autres. Hein? Non, ouais. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, on vient d'entendre Silver Starling et la pièce Closer. C'était dans vos oreilles, c'était pas merveilleux ça, quoi? C'était beau? C'était très très beau. C'était très très beau. c'était joli, je dirais. C'était même séduisant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une dernière petite pause musicale parce qu'après ça, on va se quitter. On va juste revenir se dire bye dans quelques secondes à peine. Pour l'instant, on va entendre un petit peu de Vanesse Pariétaire. Qu'est-ce que t'en penses? Je te vole-tu une pièce de ton émission? Non. Ouais. Vas-y, j'y vais. C'est après ça, on se dit bye, Kiwan. Reste là. Bouge pas. Arrête de bouger. Bouge pas les doigts, là. Bouge pas, souris. Non. Vanessa Parietta et la pièce Givresse qui termine cette édition d'Assemblage requis. C'est triste, mais ça a passé tellement vite. On a tellement dit de choses aujourd'hui. Oui, ça a passé très vite. Et il y en a un autre demain, la dernière de la semaine. Demain, Assemblage requis, dès 15h, avec Stéphanie Gagné qui va être là demain avec sa chronique Ton plat favori. Qui nous réserve une surprise encore. On ne sait pas de quoi elle va parler. On va aussi avoir demain une nouvelle capsule de Vidon là dans la question, comme c'est maintenant la coutume. On aime ça, nous autres. On aime beaucoup ça. Donc, ça va être demain. Ce soir, sur les ondes de C'est fou, il y a l'émission de Kiwa, la dernière porte à gauche. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'émission aujourd'hui? Quelques nouveautés, entre autres du Métagruau, il va y avoir du Husky aussi dans les nouveautés. Sinon, quoi d'autre? Waving Hand, Elephantine, Malajube. Soyez-y à 17h. Après ça, il y aura En attendant avec Emily Adam. C'est à 18h, puis Volteface à 19h et puis Théâtre à 21h. Moi, je vous conseille d'être là demain matin pour la prochaine émission quotidienne, c'est-à-dire on s'appelle et on déjeune avec Simon Fétibé. Moi, je vais être de retour à 10h demain avec CNX.zip et puis les palmarès à 13h et Assemblage à 15h, grosse journée de radio. Mais que voulez-vous? Et puis, c'est à peu près ça. Allez voir assemblagerequis.com pour la balado-diffusion et les liens. Allez voir vos parents. Rendez-leur visite parce que des fois, c'est la famille se passe. Prenez-les dans vos bras puis ouais. Dites-leur que vous les aimez. Ouais, flattez-les un peu, tu sais. Grattez-les dans le cou un peu. T'sais. Comme il faisait quand vous étiez jeune. T'sais. C'est comme envoyer la balle. T'sais. Tes parents, ils étaient fins que toi, puis ils te flattaient. Donnez au suivant. Donnez au suivant. C'est à peu près ça. C'est comme flatter Chantal Lacroix dans le sens du poil, puis elle va être bien fin avec vous autres. Elle va ronronner tout.